pages de mon passé, prendre un bassin ou même un fleuve pour abonder le peu que j'ai. Je pourrais bien brouiller les pistes, changer 100 000 fois de visage, rayer mon nom de toutes les listes et m'effacer du paysage. Changer 100 000 fois de visage, rayer mon nom.